guerre s'annonce aux portes. Tu rappelles que la crainte n'a pas le dernier mot, que celui qui a bâti une maison ou planté une vigne peut rentrer tôt. Tu dis que la victoire ne vient pas du nombre, ni de la force des chevaux, mais de celui qui nous a fait sortir d'Égypte et qui combat.